بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مجلس جديد إن شاء الله حول رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سي نوفيل أسيز سي أوتور دي كاتخ راجل سون إيمينونس le revivificateur du XIIe siècle, de l'Égir, qui est Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala. Limada dirasatu hada al-kitab, lianna hada min al-ta'asil, alladhi yansahu bihi al-ulama, wa hada alladhi yadhkuruhu al-Sheikh Mohamed Abdel Wahab, rahimahullah ta'ala, fi al-usul al-thalata, ou fi al-usul al-sitta, ou fi al-qawa'id al-arba' وما إلى ذلك. كعادته رحمه الله يذكر أعدادا، أصول ثلاثة، قواعد أربع، ستة أصول. لماذا؟ لكي يضبط السامع ويضبط الطالب المسائل. وهذا من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر العدد. والأعداد لها مفهوم، وبعض الأعداد لا يكون لها مفهوم، أي بعض الأعداد تكون من النوع المحدد وبعدها لا يكون من النوع المحدد. ومن الأعداد التي لها مفهوم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، طهور الإناء إذا ولع فيه القلب الكلب يكون بالغسل سبع مرات. فهذا كذلك عندما ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ذكر خمسة، ومراتب الإحسان ذكر ركنين، وفي الإيمان ذكر ست أمور. فهذه أعداد مفهومة، وكذلك في أعداد لا مفهوم لها، أي لا تحصر. عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، هل هناك فقط سبع مبيقات؟ لا أبدا. هذه السبع مثل عقوق الوالدين ولا، ولكن فيه موبقات أخرى. كذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عشر المبشرون بالجنة، فهل فقط عشر هم الذين بشروا بالجنة؟ وكذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، هذا من العدد المحدود أبواب الجنة. فهنا الله عز وجل pourquoi encore cette épître، parce que c'est la voie des hommes de science, c'est ce que conseillent les hommes de science, c'est pour maîtriser les situations, c'est pour avoir les fondements. Et comme on a son accoutumé, Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahab rahimahullah, il écrit des livres pour le besoin, et souvent il cite des chiffres, il a dit les trois principes fondamentaux, il a dit les six fondements, et il a dit dans un autre livre, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, les quatre règles. Et souvent, il cite des chiffres comme ça. Pourquoi ? Pour que celui qui entend, celui qui lit, celui qui apprend, il maîtrise les sujets. Et ceci, c'est une voix du messager, alayhi salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit moment pour que les compagnons comprennent, il leur cite des chiffres. Des fois, les chiffres sont voulus pour leur nombre. Des fois, ils ne sont pas voulus pour le nombre, mais c'est juste pour que les gens, au moment de l'assise, ils puissent capter et comprendre ce qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths où les chiffres sont voulus pour leur nombre, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé des sept portes du paradis, ça c'est un chiffre qu'il a lu pour lui-même. Aussi, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé des nombres des portes du paradis, et quand il a parlé des sept fois le lavage de l'assiette, ou de l'ustensile dans lequel le chien a mangé. Et là, il faut le laver sept fois. C'est un chiffre qui est voulu. Et ainsi de suite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a cité les cinq piliers de l'islam. Donc, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Les six piliers de la foi, la même chose. Mais il y a d'autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il cite des chiffres, mais le nombre n'est pas voulu. Quand il a parlé 17 péchés capitaux. Est-ce qu'il n'y a que 7 péchés capitaux? Là, dans l'assise où il l'a dit, c'est pour que les compagnons puissent mémoriser ces 7. Mais après, il a cité d'autres péchés capitaux. La même chose, quand dans une assise, il a parlé de 10 personnes qui iront au paradis, il les a annoncées avec leur nom. Est-ce que c'est tout simplement aussi 10 qui vont aller au paradis? Et ainsi de suite. Fa, Cheikh Rahimahullah, yubayillak, l'adad likay tadbut al-amr. Donc, Cheikh Rahimahullah, il est sur une sunna où il te montre des chiffres, il te les cite, hein, pour que tu maîtrises le sujet, pour que tu le comprennes au mieux. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا يبدأ الشيخ رحمة الله عليه دائما بالبسملة لماذا؟ اقتداء بالكتاب الكريم واقتداء بالأنبياء والرسل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك اقتداء بعمل السلف الصالح رضوان الله عليهم وتبركا وتيمنا ببسم الله الرحمن الرحيم Allah Azza wa Jal et Cheikh l'Islam Mohamed Nablab de commencer au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Souvent dans ses épîtres, Cheikh l'Islam Mohamed Nablab, il commence par le nom d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il prend comme modèle le livre d'Allah. Quand tu ouvres, pour commencer le Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il prend comme modèle la voix du noble prophète alayhi sallatu salam et des messagers alayhi sallatu salam. Quand Sulayman a envoyé son livre à la reine de Saba, il est de Sulayman, il est au nom d'Allah, le clément miséricordieux. Aussi, c'est la voix des nobles pieux prédécesseurs, Ridwanullah Ali. Et aussi, en commençant par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il prend la bénédiction du nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, as'alullah al-karim, رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة Et il a commencé, rahimahullah, en te faisant dua. Il a dit, je demande à Allah, le généreux, le souverain du tronc géant, qu'il te prend sous ta protection dans ce bas monde et que tu sois son allié dans le delà et son allié dans ce bas monde. Qu'il fasse que tu sois béni où que tu sois. Et qu'il fasse que tu sois parmi ceux, quand ils reçoivent un bien, hein, ils sont reconnaissants. Et quand ils sont éprouvés, ils patientent. Et quand ils font un péché, ils se repentent. Car ces trois choses, ce sont le titre du bonheur. Et on prend cet épître avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et cette risala, nakhudouha bi sharhi samahat l'allama Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Yaqulu Cheikh Al-Fawzan, hadi al-qawa'id al-arba' allati allafaha Cheikh Al-Islam Mohamed Abdel Wahhab rahimahullah, hiya risalatun mustaqilla, walakinaha tutba'u ma'a thalathati al-usul. من أجل الحاجة إليها لتي تكون فيما تناول أيدي طلبة العلم et الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il dit ces quatre règles que الشيخ الإسلام a écrit est une épître qui est indépendante mais il est souvent édité avec les trois principes fondamentaux pour le besoin pour qu'il soit entre les mains des demandeurs de science يقول رحمه الله وغفر له ومتعه ومتعنا به وأطال عمره في طاعة الله والقواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة وفروع كثيرة il dit les règles c'est le premier c'est le pluriel d'une règle قواعد جمع قاعدة et la règle c'est la fondation de laquelle vont découler beaucoup de choses C'est une fondation de laquelle découle beaucoup de choses. C'est comme si tu dirais la racine de laquelle émane le trône, hein, le tronc d'un arbre et ses branches et ses feuilles après, par la suite. ومضمون هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Et l'essentiel de ce qui est cité dans ces quatre règles. Cité par Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelhab, c'est la maîtrise et la connaissance de ce que c'est que le monothéisme et l'associationnisme. وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. Et c'est quoi la règle dans le monothéisme et c'est quoi la règle dans l'associationnisme. Et ceci est très important. Quand on le maîtrise, on ne patauge plus. Et on n'a plus d'ambiguïté. يقول لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذا الأمرين. يتخبطون في هذين الأمرين. يتخبطون في معنى التوحيد ما هو. ويتخبطون في معنى الشرك. كل يفسرهما على حسب هواه. Il dit parce que beaucoup de gens patogent à ce niveau-là concernant ces deux sujets et ces deux points essentiels. Ils patogent dans qu'est-ce que ça veut dire le monothéisme. Ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est, ni sa définition. Et ils patogent aussi, ils se mélangent les pinceaux dans la signification de l'associationnisme. Et chacun l'explique selon ses passions. يقول ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة لكي يكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Il dit mais il est de notre devoir pour les règles et pour les bases de revenir vers le livre d'Allah, vers la sunna du prophète, pour que les règles soient correctes, et soient authentiques, et soient saines et épargnées de l'erreur. Il faut qu'ils soient, que leur source soit le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi. Surtout pour ces deux points essentiels, qui sont le monothéisme et l'associationnisme. يقول والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. Il dit الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى comme le cite ici الشيخ الفوزان, الشيخ محمد بن عبد الوهاب n'a pas cité ses règles. Il les a pas ramenées de sa raison ni de sa pensée comme le font beaucoup qui patogent. Mais ces règles, il les a pris du livre d'Allah, de la sunna du prophète et de la biographie du prophète. Il يقول فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. Et il dit rahimahullah ta'ala wa ghafarana. Si tu connais ces règles et que tu les comprends, il va t'être facile maintenant de connaître le monothéisme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers alayhi wa sallam. Il va t'être facile de connaître et de maîtriser l'associationnisme que Allah subhanahu wa ta'ala, duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti et qui est le plus grand des dangers dans le bas monde et dans le delà. يقول وهذا أمر مهم جدا وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. Et il dit, Cheikh Fawzan, de dire, et ça c'est un sujet très important, une situation d'une grande importance. Car le fait de connaître le monothéisme et l'associationnisme est mieux et beaucoup plus important pour toi que de connaître les règles concernant la prière, concernant la zakat, concernant les autres adorations et toutes les choses de la religion. Car ça c'est la base des bases, la base sur laquelle tout doit être, de laquelle tout doit partir. Car la prière, la zakat, le pèlerinage et toutes les formes d'adoration ne peuvent être correctes et valides et acceptées que s'ils sont basés sur une aqida authentique, sur un monothéisme pur. Seulement, d'où l'importance de la connaissance de ces deux points essentiels et de ces définitions essentielles qui sont les définitions du monothéisme et de l'associationnisme. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. نعم والله. شيخ الفوزان دو دير شيخ الإسلام a fait une introduction pour ces quatre règles. Une introduction géante et une noble introduction où il a fait dua aux demandeurs de la science. Et il a attiré pour attirer leur attention sur ce qu'il va leur dire et ce qu'il va leur apprendre. Où il a dit: je demande à Allah, le souverain du trône géant, qu'il te prenne sous sa protection dans ce bas monde et dans le delà, et qu'il soit ton allié dans ce bas monde et dans le delà, et qu'il fasse que tu sois béni là où que tu sois, et qu'il fasse que tu sois parmi ceux à qui, quand on prodigue un bien, ils sont reconnaissants, et quand ils sont éprouvés, ils endurent, ils patientent, et quand ils font un péché, ben ils se repentent. Et ça, ces trois choses, ce sont l'emblème du bonheur et le titre du bonheur. يقول الشيخ الفوزان: هذه مقدمة عظيمة، فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. Il dit حفظه الله تعالى: ça c'est une introduction qui est énorme, qui est très importante, dans laquelle il y a ce dua de Cheikh Rahmatullah Alayh à tout demandeur de science et à toute personne qui veut apprendre sa aqida et qui veut avec ça la vérité, et qui veut éviter le faux et qui veut éviter l'égarement et l'associationnisme, car cette personne agissant ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala le prend, et son allié, et il le protège dans ce bas monde, et il est son allié aussi dans le delà. يقول: وإذا تولى الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات الشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعمل النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إي سي الله سبحانه وتعالى إلي تون لي دون سو با موند إي دون لو دولا. لو مال فا با تاتاندر، le mal n'arrivera pas à toi, ni dans ta religion, ni dans ton bas monde. Il dit dans le verset: Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés, c'est Tarot, c'est ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Il les sort de la lumière vers les ténèbres. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala est ton allié, il te sort des ténèbres, de l'associationnisme et de la mécréance. Il te sort des ténèbres, des doutes, vers la lumière de la foi, vers la lumière de la science bénéfique, vers la lumière de la bonne œuvre. Et il est dit dans notre verset: certes, Allah, c'est l'allié de ceux qui ont cru, et les mécréants n'ont pas d'allié. Hada, son allié, c'est Allah Azza wa Jal. Et le mécréant, il n'a pas d'allié. هذا دون الله تالله سبحانه وتعالى إلى غيانا كران. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة، فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. Et donc, si tu es sous la protection d'Allah, si tu es l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te prodigue du bien. Il t'oriente vers le bon chemin dans ce bas monde. Et tu es dans une guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas avoir le bonheur, hein, le bonheur dans lequel, hein, après lequel tu n'auras pas aucune tristesse, aucun malheur, le bonheur complet. Hein. Dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala est ton allié, hein, il te guide, il t'accomplit sur le bon chemin, il te fait prendre la voie qu'il aime et qu'il agrée. Et dans le delà, il est ton allié, il te rentre au paradis, dans lequel tu vas être éternellement, dans lequel tu n'as pas à être attristé, ni à avoir peur, ni la maladie, ni les malheurs, ni la vieillesse, ni les mauvaises choses, rien de tout cela. Et ça, c'est l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs croyants dans ce bas monde et dans ce-delà, et dans le-delà. Ah, ça c'est, ah, wilayatullah pour les croyants dans ce bas monde et dans le-delà. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب يجعل الله البركة في عمرك يجعل الله البركة في رزقك يجعل الله البركة في عملك يجعل الله البركة في علمك يجعل الله البركة في ذريتك أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى إلى ديوسي dans ce dua, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois béni là où tu sois. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu sois béni là où que tu sois, ça c'est le summum des demandes. Que tu aies là-bas la bénédiction dans ta vie que tu vis, dans l'âge que tu as, dans ton temps, dans la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, que tu aies la bénédiction. Que Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans ta science, mais la bénédiction dans tes œuvres. Dans ta descendance, il met la bénédiction. Où que tu sois, la bénédiction t'accompagne. Où que tu t'orientes. Et ça, c'est un grand bienfait. C'est un énorme bienfait. Et c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar. Khilaf alladhi idha u'tiya kafara al-ni'ma. Wa bataraha. فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى فصارت سببا لشقاوتهم أما من يشكر فإن الله يزيده وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Et il dit, حفظه الله تعالى, et pour le dua qu'il t'a fait qu'il fasse, que tu sois parmi ceux qui reçoivent un bien et qui soient reconnaissants, hein? Elle dit ça, c'est le contraire de celui qui reçoit le bien et qui est ingrat. Il reçoit le bienfait, mais il est ingrat. Il est orgueilleux devant ce bienfait. Car beaucoup de gens, quand le bienfait leur est prodigué, ben ils sont ingrats. Ils ne le reconnaissent pas. Et ils orientent ce bienfait dans autre chose que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, ce bienfait devient une source de malheur pour eux. Mais quand la personne est reconnaissante du bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente, parce que dans le verset il est dit, hein, la in shakartum, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Wallahu jalla wa ala yazidu shakirin min fadlih wa ihsanih. Fa idha aradta al-mazid min an-ni'am fashkur Allah azza wa jall wa idha aradta zawal an-ni'am fakfurha. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmente aux reconnaissants les bienfaits. Il augmente aux reconnaissants, il leur augmente les bienfaits, azza wa jal. Et si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala augmente tes bienfaits, tu dois être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, hein, utiliser ces bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance, et dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et si tu veux que le bienfait disparaît, hein, sois ingrat et utilise-le dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa idabtuliya sabr. Allah jalla wa ala yabtali al-ibad. Yabtalihim bil masa'ib, yabtalihim bil makarih, yabtalihim bil a'da'i min al-kuffar wal munafiqin, fa yahtajuna ila as-sabr wa 'adam al-ya's wa 'adam al-qunut min rahmatillah 'azza wa jalla. Wa يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وابن ماجه وغيرهم رحمة الله على أئمة المسلمين. Et il a dit dans son dua, Cheikh l'Islam, que nous expliquait ici Cheikh Fawzan, et quand il est éprouvé, il patiente. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi, que tu sois quelqu'un, quand il est éprouvé, il patiente. Car Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Éprouve ses serviteurs avec les catastrophes. Éprouve ses serviteurs avec des choses qu'ils n'aiment pas. Éprouve ses serviteurs avec les ennemis d'Allah, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont éprouvés par les mécréants, par les hypocrites, par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont besoin de patience et ont besoin de ne pas être pessimistes et de ne pas désespérer de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être raffermis et d'être constamment dans leur religion, et que les fitanes, les perturbations ne doivent pas les ébranler et les leur donner des doutes. Ils ne doivent pas se soumettre aux fitanes. Ils doivent, les perturbations, ils doivent les faire face avec la patience. Et ils doivent être constamment et fermes dans leur religion. Ils doivent patienter sur ce qu'ils endurent, sur les difficultés. Contrairement, le croyant doit être ainsi, contrairement à celui qui est éprouvé, il se lamente. Il désespère de la clémence d'Allah. Et il se lamente. Celui-là, l'épreuve ne fait qu'augmenter. Et les catastrophes ne font qu'augmenter pour lui. Quand il se lamente, c'est la continuité de la catastrophe. Il ne fait qu'augmenter. Comme il est dit dans le hadith authentique, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Tirmidhi, par Ibn Majah et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens. Quand ils sont éprouvés, ils acceptent, ils agréent l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens-là. Et en plus de ça, quand quelqu'un accepte la situation et patiente et endure, Allah subhanahu wa ta'ala, il le comble. Et celui qui se lamente, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la malédiction. Celui qui se lamente, il aura la malédiction à l'islam. Donc, obligé. Donc, ce dua que fait Cheikh Mohamed Abdullah, rahmatullah alayhi, dans cet épître, est très important. Si la personne est comblée de la patience devant l'épreuve, il a eu une grande qualité, une grande chance qui lui a été prodiguée par Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul wa a'adamu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amtal fal-amtal. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون ولكنهم صبروا. Il dit, et ceux qui sont le plus, le summum de ceux qui sont éprouvés, les prophètes et les meilleurs après. C'est-à-dire les meilleurs après les prophètes, alayhi salam, les croyants qui ont une foi complète. Tous ceux-là sont éprouvés. Et à la tête de ceux qui sont éprouvés, ce sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Les prophètes ont été éprouvés. Les véridiques ont été éprouvés. Les martyrs ont été éprouvés. Les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, croyants qui ont la foi complète, ont été éprouvés. Mais ils ont rencontré la preuve, les épreuves avec quoi? Avec la patience et l'endurance. أما المنافقون فقد قال الله أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف أي يعني طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذه الله سبحانه وتعالى يبين لك حالة المنافق أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على طرف على حريف فإذا كان له الخير اطمأن وإذا أتاه الابتلاء انقلب على وجهه فغسل الدنيا والآخرة. كنت لبكريت Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi. Il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur une pente. Hein? Sur un petit bord. Quand il a le bien lui prodigué, il est quiet, il est tranquille, il est réjoui. Mais quand il est éprouvé, il retourne sa veste, il se tourne. Et il a perdu son bas-monde et son le-delà dans ces cas-là. Et ça, c'est la perte claire et la grande des pertes. Et le Cheikh Hafidhahullah, fait dunya laysa da'iman na'iman. وطرفا ومردات وسرورا ونصرا ليست دائما هكذا الله يداولها بين العباد الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان et الشيخ de nous dire حفظه الله تعالى ce bas monde c'est pas la maison du délice éternel pas tout le temps les réjouissances hein? Et le confort et le triomphe et le bonheur tout le temps. Non. C'est une journée pour toi et une journée contre toi. Une journée comme ça et une journée comme ça. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les nobles compagnons de cette communauté d'Ouallan, qu'est-ce qui leur est arrivé comme épreuve? Qu'est-ce qu'ils ont subi comme examen et comme épreuve? Mais ils ont enduré et patienté. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به فهذا سبق لأولياء الله فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين إيه الله سبحانه وتعالى نمونتخ دون القرآن كسا Que si une journée pour toi, une journée contre toi, une journée de triomphe, une journée de perte, bonheur, et ainsi de suite. Ça, c'est la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le serviteur, qu'est-ce qu'il lui est demandé? Quand il est éprouvé, il doit savoir que quand il est éprouvé, ceci n'est pas particulier pour lui seulement. Hein? Avant lui, il est vertueux, avant lui, il est véridique, les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont été éprouvés. Donc, il doit patienter. Il doit s'imposer la patience. Il doit attendre la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir que la bonne fin est pour ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idha adnaba astaghfar. Amma alladhi idha adnaba la yastaghfir wa yastazid min ad-dunub fa hadha shaqi wal 'iyadu billah. Hadha shaqi wal 'iyadu billah. Lakin al-'abd al-mu'mina كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والجهالة ليس معناها عدم العلم لا لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة لكن إذا لم يتوب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء الشيخ الفوزان pour le passage il compte la personne se fait un péché et se repent il dit quant à celui qui fait un péché et qui se repent, alors c'est un grand bienfait. Et quant à la personne qui tombe dans un péché et qui ne donne pas l'importance, qui ne se repent pas et qui continue, hein, ça c'est le signe comme c'est quoi cette personne, il est malheureux. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais si le croyant hein, fait un péché, qu'est-ce qu'il accourt tout de suite vers le repentir, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est dit dans le verset, ceux qui accomplissent un blâmable et qui étaient injustes avec eux-mêmes, ils se rappellent d'Allah, ils se repentent de leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah? Ça c'est la qualité et la caractéristique du croyant. Et il est dit dans le verset, certes, le repentir, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont fait le mal avec ignorance. Et ils se repentent tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Et le jahala, c'est pas, ça veut dire pas tout simplement toujours que c'est le fait de ne pas avoir de la science. Car celui qui ne connaît pas une chose, qui le fait avec ignorance, celui-là, il ne lui sera pas pris rigueur. Mais le jahala ici, c'est le contraire de la raison. Tout un chacun qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, il est jahil dans le sens où il a une diminution dans sa raison. Il a une diminution dans son humanité et dans sa façon de penser, etc. Il peut être savant, mais il est ignorant, jahil de ce côté-là. De d'autre côté, d'autre part, il est jahil. Il a un manque de raisonnement, un manque d'humanité. Il n'est pas ferme dans les situations. Alors qu'il dit dans le verset, ils se repentent tout de suite. C'est-à-dire, après leur péché, ils se rappellent Allah et ils se repentent. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils tombent dans le péché, ils demandent le pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui est exempt de l'erreur. Il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Hein? Personne, sauf le prophète, alayhi salam, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a préservé. Hein? Mais la louange est à Allah. La louange est à Allah. Il a ouvert grand la porte du repentir. Et donc le serviteur, qu'est-ce qu'il lui est? Son devoir, c'est quoi? Quand il tombe dans le péché, il accourt tout de suite vers le repentir. Mais si, après chaque péché, il ne se repent pas, ça c'est un signe comme quoi cette personne, il est dans le malheur, à l'islam. C'est un signe comme quoi cette personne, il est dans le malheur. Hein? Et donc tu vois que ce dua, cette introduction qu'a fait Cheikh est très importante. Que tu sois, et te fait dua, que tu sois béni là où que tu sois parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prodigue un bien, ils sont reconnaissants, et quand ils sont éprouvés, ils sont patients, et quand ils font le péché, ils se repentent tout de suite. C'est le titre du bonheur à l'islam. يقول وقد يقنط من رحمة الله ويأتي الشيطان ويقول له ليس لك توبة ليس لك توبة. Peut-être que la personne va être désespérée de la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan il vient le voir. T'as aucun repentir. Shaitan il chaque occasion par laquelle il peut s'immiscer dans l'esprit de la personne, il l'influence dans la mauvaise direction, il le fait. T'as vu tant de péchés que t'as fait? Oui, il n'y a aucun repentir. Tout ce que t'as pas arrêté de faire. Là, il y a l'islam. La porte, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. La porte du repentir est grande ouverte. Tant que la personne n'est pas dans l'agonie de la mort. La porte du repentir, il est ouverte à l'islam. Yaqul le Cheikh al-Fawzan, hadi al-umur al-talata. إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. فإن الله عز وجل الشيخ الفوزان de nous dire ces trois choses, ces trois qualités. Quand tu es comblé de bien, tu es reconnaissant, et quand la personne est éprouvée, il patiente, et quand il fait un péché, il se repente, ça c'est le titre et l'emblème du bonheur. Celui qui est accompli dans ces trois qualités, il aura le bonheur. Et celui qui en est privé, ou privé d'une partie, il sera dans le malheur, à l'islam, il sera malheureux. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه de commencer son épître en disant Sache, après l'introduction, il dit, sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers son obéissance. Regarde, à chaque fois, quand il attire l'attention, il fait dua. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente dans son obéissance, que la hanifia, qui est la voix d'Ibrahim alayhi salam, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans le verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. يقول الشيخ الفوزان اعلم أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم الشيخ الفوزان de dire regarde il a dit il sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente hein vers son obéissance il dit ça c'est un دعاء de la part du شيخ il dit Comme ça, il doit être l'enseignant. Il doit toujours faire des du'as pour ses élèves et pour ceux qui apprennent avec lui. وَطَاعَةُ اللَّهِ مَعْنَهَا امْتِتَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ وَشِنَابُ نَوَاهِي Et l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ? C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah, de s'abstenir de ses interdits. قُلْ أَنَّ الْحَنِيفِيَةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أَمَرَ نَبِيَّنَا باتباع ملة إبراهيم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحنيفية سلفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أغضني أن أتخبوت عليه الصلاة والسلام إلا أني دمين pour la communauté de suivre la voie d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام il est dit dans le verset et nous t'avons révélé qu'il faut suivre la voie d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام le Hanif Et il n'était pas parmi les associateurs. C'est-à-dire, Ibrahim était hanif. Il était monothéiste. Il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Al-hanifiya, millatu al-hanif, wa huwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa al-hanif, huwa al-muqbilu ala Allah, al-mu'ridu amma siwa, hada huwa al-hanif, al-muqbilu ala Allah, biqalbihi, wa a'malihi, wa niyatihi, wa maqasidihi kulliha lillah, al-mu'ridu amma siwa, wallahu amarana, bittiba'i millati Ibrahim, wa ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Hanifia, c'est la voix d'Ibrahim, du Hanif, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le Hanif, c'est celui qui accourt vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui se détourne de toute autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hanif, c'est celui qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Hein? Avec ses actes, avec ses intentions. Ses intentions sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ses actes sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ses buts, son but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il se détourne de toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a fait aucune gêne dans votre religion. Hein? C'est la voie de votre père, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hein? C'est-à-dire que nous devons suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, être dans un monothéiste pur et aller vers Allah et vouloir avec nos actes. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, que nos actes soient faits sincèrement pour Allah. Wa millata Ibrahim akhal Islam. An ta'buda Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Hadi al-hanifiyya. Ma qala an ta'buda Allah faqat. Bal qala mukhlisan lahu ad-din. Ya'ni, wa tajtanib shirk. Lianna al-ibadata idha khalatah ash-shirku batalat. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل Et la voix d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est que tu réserves le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah exclusivement. Ta religion soit accomplie exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le hanifiya, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement que tu l'adores, là, que tu lui réserves exclusivement le culte. Hein? Que ça veut dire que tu évites l'associationnisme. Tu ne fais pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'ostentation, ni l'associationnisme majeur, ni le petit associationnisme. Car les adorations, quand ils sont mélangés avec l'associationnisme, c'est des fausses adorations. Ils s'annulent à l'islam. Il ne peut pas être appelé adoration que s'il y a épargné du grand associationnisme et du petit associationnisme. Comme il est dit dans le verset, il leur a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et de lui accomplir la religion sincèrement. Isasil hunafa, c'est le pluriel de Hanif, ceux qui sont sincères pour Allah. يقول وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل لكن الحكمة من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع et l'adoration c'est quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes ces créatures c'est celle qui est dite dans le verset le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les génies et les humains il a dit je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer c'est-à-dire que pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but de la création et le but des créatures, le jinn ou l'ins, c'est qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent accomplir la religion sincèrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les créatures, il y a ceux qui se sont soumis à l'ordre d'Allah. Il y a d'autres qui ne se sont pas soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le but pour leur création, c'est ça. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en divergence avec et en contradiction avec le but pour lequel il a été créé. Et il est en divergence avec l'ordre et la législation d'Allah. Wa Ibrahim, alayhi salatu wa salam, هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له عليه الصلاة والسلام وجعله الله إماما للناس يعني قدوة للناس قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام c'est le père de tous les prophètes عليه الصلاة والسلام qui sont venus après lui. Car tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim alayhi salam sont de sa descendance. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, et nous avons fait dans sa descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire dans la descendance de Ibrahim alayhi salam, il y a des prophètes qui ont reçu le livre, et il y a la prophétie. Hein? Donc tous les prophètes après Ibrahim alayhi salam sont de Banu Israël. Banu Israël, c'est Yaqub, le prophète d'Allah Yaqub. Qui est l'un des petits enfants de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et du coup, on descendit tous les prophètes alayhi salatu wassalam, sauf Muhammad alayhi salatu wassalam. Muhammad, il descend directement de Ismaïl alayhi salatu wassalam, qui est le fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes sont des enfants de Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est appelé le père des prophètes alayhi salatu wassalam. Tout ça, pour honorer Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Ibrahim alayhi salatu wassalam soit un modèle pour les gens jusqu'à la fin des temps. Un modèle à suivre. Il est dit dans le verset, et j'ai fait de toi un imam pour les gens, c'est-à-dire un modèle. Qui? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans l'autre verset, Ibrahim, certes Ibrahim est une communauté, c'est-à-dire un modèle à suivre. وبذلك regarde maintenant quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a laissé Hajar et son fils Ismaïl à côté de la Kaaba qui n'était pas encore construite et qu'il n'y a personne. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de quoi de faire l'appel au pèlerinage. Il n'y avait personne. Regarde maintenant, tout le monde suit l'appel de Ibrahim alayhi salatu wassalam ou pas? Combien de millions de gens ont fait le pèlerinage jusqu'à maintenant? Combien chaque année ils répondent à cet appel, que ce soit le grand pèlerinage ou le petit pèlerinage? Ibrahim alayhi salam, c'est un modèle. Ibrahim alayhi salam, à lui tout seul, c'est une communauté. Alayhi salatu salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait un modèle à suivre jusqu'à la fin des temps. يقول وبذلك أمر الله جميع الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes les créatures de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les génies, les humains que pour m'adorer. Ibrahim alayhi salam a appelé les gens vers le fait d'adorer Allah comme tous les autres prophètes. Alayhi salatu salam. Tous les autres prophètes ont appelé les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Le messager, il dit à son peuple, quoi? Adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الشَّرَائِعُ الَّتِي هِيَا الْأَوَامِرْ وَالنَّوَاهِي وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَهَذِهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمْ حَسَبَ الْحَاجَاتِ يُشَرِّعُ اللَّهُ شَرِيعَةً ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ أبدا دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد أما الشرائع فقد تختلف تنسخ لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله اي كنت لجيسلاسيون أخا الإسلام les ordres, le fait de faire ceci, ne pas faire cela, ce qui est licite, ce qui est illicite, ceci est différent d'une communauté à une autre selon le besoin des communautés et du moment. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé faire quelque chose. Il a pris la broche qu'il a laissé faire, alayhi salatu azza wa jal. Il a broche ce qu'il a laissé faire. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette législation, la législation islamique, qui est venue, qui a abrogé toutes les législations. Et cette législation restera jusqu'à la fin des temps. La législation musulmane restera jusqu'à la fin des temps. Mais quant à l'origine de la religion, qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit jamais il a été abrogé, et jamais il sera abrogé, car ça, celle-là, c'est la religion sur laquelle étaient tous les prophètes alayhi salam. La religion de tous les prophètes alayhi salam, c'est le fait d'être soumis à Allah, et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là, c'est la religion de tous les prophètes alayhi salam, depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier. Mais quant aux législations, ils sont différents d'une communauté à une autre. Il y a toutes les législations ont été abrogées. Avec l'envoi de l'islam. Mais le monothéisme et les croyances d'Adam, alayhi salatu salam, jusqu'au dernier des prophètes, alayhi salatu salam, c'est la même chose. C'est-à-dire, le monothéisme, il est unique. Le fait d'adorer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est unique. Wa ibadatullah, ta'atuhu fi kulli waqtin, bima amara bihi min ash-shara'i'. فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة. L'adoration d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il a ordonné comme législation, l'ordonner avec la législation qu'il a ordonné dans le moment où il l'a ordonné. Et si cette législation est abrogée, on ne met plus en application ce qui est abrogé, on prend la législation qui a abrogé, car c'est elle l'adoration à ce moment-là. Yaqulu حفظه الله فإذا عرفت أن الله خلقك فإذا عرفت أن الله خلقك يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت، هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة، وهي العبادة. Et il dit Havidah Allah Ta'ala, si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer, si tu le sais à partir de ce verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, alors que tu fais partie des humains, tu rentres dans ce verset, tu es concerné par ce verset, et que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas créé comme ça pour jouer ou pour faire ce que tu veux, tout simplement pour manger et boire, que tu vives dans ce, de ce bas monde, que tu fasses ce que tu veux, tu traînes comme tu veux, tu manges ce que tu veux et ainsi de suite, sans, respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour ceci. Le but pour lequel il t'a créé, c'est pour l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis toutes ces choses à ton service. Il les a mis pour que tu t'aides pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux pas vivre sans ces choses, l'air, la nourriture, etc., tout ça. Tu ne peux pas vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te les a donné, il te les a prodigué, ces choses, pour que tu arrives à accomplir le but pour lequel tu es créé, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité beaucoup de choses, il les a mis à ton service, pour que tu l'adores. Non pas pour que tu te réjouisses comme tu veux, et que tu erres dans ce bas monde, et que tu sois pervers dans ce bas monde, et que tu fasses n'importe quoi dans ce bas monde, et que tu manges, et que tu bois ce que tu as envie. La abadan. Ça, c'est la situation des bestiaux. Quant aux humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour un but noble, qui est le fait, l'adoration, qui est d'adorer Allah et de lui réserver le culte. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون ما اريد منهم من رزق الله ما خلق لكي تكتسب له ابدا ان تحترف وتجمع مالا له ابدا كما يفعل بنو ادم بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب لا الله غني عن هذا والله غني عن العالمين ولهذا قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله جل وعلا يطعم ولا يطعم غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته وليس هو في حاجة إلى عبادتك لو كفرت ما نقصت ملك الله ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى العبادة فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة فمن الذي يستفيد من العبادة؟ فالمستفيد من العبادة هو العابد نفسه أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. Le verset il dit, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Je ne veux pas qu'ils me donnent de subsistance. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour gagner de la subsistance pour Allah. Abadan akhal islam. Il t'a pas créé pour aller travailler, amasser de l'argent pour lui. Abadan akhal islam. Comme font la descendance d'Adam. La descendance d'Adam, ils ont des ouvriers qui travaillent pour eux, qui ramassent l'argent pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ses serviteurs dans ce sens-là. Il n'en a pas besoin. C'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui nourrit. Et je ne veux pas de subsistance. Je ne veux pas qu'il me nourrisse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nourrit. Lui, Hein, on le nourrit pas Allah subhanahu wa ta'ala, a'oudou billah. C'est nous qui avons besoin d'être nourris. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous nourrit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça. Il a besoin de rien. Il a même pas besoin de notre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton adoration. Si tu m'écrois et que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça changera rien à l'univers d'Allah, ni au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça changera rien du tout. Mais c'est toi qui as besoin de tout ça. C'est toi qui as besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Fais partie de sa clémence, azza wa jal, ce qu'il t'a ordonné de l'adorer, de lui obéir pour ton intérêt, akhal islam. Car si tu lui obéis, tu seras honoré, tu seras comblé du bienfait, tu seras récompensé de la meilleure des façons. L'adoration est un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'honore. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève et t'honore dans ce bas monde et dans le delà. Qui profite de l'adoration? Ce n'est pas Allah, akhi l'islam. C'est toi qui adore Allah qui profite de l'adoration. C'est toi-même et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ses créatures. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم احسن الله لكم جزاكم الله خيرا.